coule sur ma pudeur. Mon cœur piégé se fait surprendre, lui qui ressassait sa douleur a encore de l'amour à revendre. Devant cet être de douceur, ce petit homme aux yeux azurs, comment ne pas sécher ses pleurs sans pour cela être parjure. La vie est une magicienne qui nous met là son tourbillon. Un soir tu pleures sur ta peine, un jour le soleil brille à l'horizon. La route tourne, nous entraîne dans la valse des sentiments. Là où tu sais qu'un être cher observe l'œil bienveillant. À partager enfin me redonne des ailes. Cette formidable envie d'aimer me rend la vie encore plus belle. Tout ce bonheur à partager enfin me redonne des ailes. Cette formidable envie d'aimer.